Et moi, oui, oui, ne saigne. Que le saigne, je fais mon propre, yo, tu y es moi, oui, oui, ne saigne. Que le saigne, je fais mon propre, yo, tu y es moi, oui, oui, ne saigne. Yo fais ton propre, yo tu y es moi. Que les saignes, yo fais ton propre.